Bonjour, bonjour. Donc vous êtes bien sur Radio Libertaire, c'est B comme bulle de rêve, l'émission 100% animation. Une émission donc avec, en générique vous avez entendu, B comme Badalamenti, et une musique qui est tirée de, ça y est, Mulholland Drive. J'ai failli avoir un trou de mémoire. Alors, j'ai plein de choses à vous dire, déjà que... Le numéro de téléphone du studio, si vous voulez appeler pour parler, pour dire des choses, c'est 01 43 71 89 40. Et là, j'étais un peu trop vite, donc je vais reprendre mon souffle. 01 43 71 89 40. Là, vous avez bien noté, vous aurez où Nicolas qui est derrière les platines de nouveau, après Francis qui nous avait dépanné, ou Florentine, la douce voix de Florentine, ou ma voix à moi. Voilà, vous aurez l'une des trois voix qui vous diront oui, non, enfin bon, plein de choses quoi. Aujourd'hui, bulle de rêve, on va beaucoup parler de films d'étudiants. C'est quelque chose qui est important, qui a énormément évolué en une dizaine d'années. Maintenant, les films d'étudiants sont aussi prisés, voire plus des fois, que les films de professionnels, dits professionnels. Ça pose à la fois plein de problèmes. On en parlera parce qu'il y aura plein de tables rondes pendant les deux manifestations dans lesquelles nous allons parler aujourd'hui. Nous allons donc parler tout d'abord avec Marianne Fontenier, que je suis très content de recevoir, des Imagiciens. Bonjour Marianne. Bonjour, et je suis contente aussi d'être là. Donc voilà, donc on va parler des Imagiciens et puis un petit peu de la manifestation, comment elle a débuté, puis ce qu'elle est maintenant. On reçoit, alors ça vous avez plus souvent entendu sa voix ici, même si je suis très content évidemment qu'elle soit là, Sylvie Porte. Bonjour Sylvie. Bonjour. Pour nous parler du Carrefour de l'animation qui a eu un petit gap, on va dire, puisque normalement c'était en mars. Mm-hmm. Et puis... vous avez eu la bonne idée de vous dire bah, peut-être que quand même les portes ouvertes des écoles sont en février-mars, ça peut être pas mal de la faire en fin d'année, de manière à ce que les étudiants viennent pêcher un peu les infos. Donc on parlera de ça en deuxième heure. Et notre invitée star, alors évidemment je dis ça, donc elle est... je l'ai eu 2 ans comme étudiante et je me suis rendu compte quand que j'allais faire les présentations, que je ne savais pas s'il fallait dire Louise Caillé. Caillez, c'est ça. Comme quoi, ça veut dire... Je fais quand même l'appel, hein. S'il y a des autres profs qui écoutent, je la fais, mais juste dis les prénoms, donc voilà. Donc, Louise Caillez, qui a fait un film de fin d'année qui s'appelle Indians, dont on va parler évidemment, qui est en ligne à l'ESAT, et qui est maintenant à l'ENSAD, et elle va nous parler parce qu'elle va participer aux deux manifestations. Clément de Ruyter aurait peut-être dû être là, aurait pu être là. Ça fait la deuxième fois que je l'invite, la troisième fois que Clément est obligé de venir, sinon là, c'est pas possible. À chaque fois, il s'enfuit à Lille, au passage, un dentiste, soi-disant, des choses comme ça. La prochaine fois, je veux que tu sois là. Il est hors de question que tu loupes. J'en ai déjà parlé quand on avait fait l'émission des Gobelins. Et bien sûr, cette émission ne serait pas cette émission sans l'incroyable Florentine Grelier. Bonjour. Bonjour. Voilà, qui va comme d'habitude faire son agenda et qui a... réunis tous les invités pour cette émission. Donc, évidemment, comme d'habitude, on va commencer tranquillement et on va commencer par une chanson. C'est pas un album d'habitude, c'est des albums que je redécouvre, des choses comme ça. Là, pas du tout, c'est juste une chanson qui nous rappelle que on pourrait vivre dans un beau pays s'il n'y avait pas ce genre de personnes qui étaient là. Et c'est Georges Brassens qu'on écoute. On écoute, et puis de toute façon, vous connaissez par cœur la chanson. Et on revient après pour parler d'animation. A tout de suite. C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages. Ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité. Et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leurs clochers qui vous montrent leur tour, leur musée, leur mairie, vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. les imbéciles heureux qui s'en est quelque part. Le sable dans lequel douillettent leurs autruches enfouissent la tête. On trouve pas plus fin quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs baudruches, leurs bulles de savon. C'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rend jaloux tout le monde. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance. Ils plaignent de tout cœur les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence, la présence d'esprit de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire, contre les étrangers tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune, et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie se révèle en toutes circonstances si vous n'aviez tiré du néant ces jobards. Preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'était bien Brassens, la balade des gens heureux, donc les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est toujours agréable de réécouter aussi du Brassens, les paroles fonctionnent toujours aujourd'hui. Donc c'est bien Radio Libertaire, bien évidemment. L'émission c'est Bulle de rêve et on va parler de cinéma d'animation. Juste puisque, si je peux me permettre, Marianne, juste puisque tu es ici, on peut juste parler un petit peu de Supinfocom avant les magiciens ? Très rapidement, l'aventure Supinfocom, c'était parce que on va en parler, on parle des écoles. Marianne, t'es directrice de Supinfocom. Je sais même aujourd'hui, je sais pas quel est le terme. Je sais pas ce que je crois que. Je m'occupe actuellement du développement numérique, donc pour les trois écoles de la Chambre de commerce qui s'occupent des métiers de la création, donc pour Supinfocom, donc pour le cinéma d'animation. D'accord. Pour Supinfogame, les jeux vidéo, et plus particulièrement pour le game design et pour l'Institut supérieur de design. Donc ça couvre des métiers différents. Alors on a un outil, les outils numériques, mais on parle bien de création, de jeunes auteurs, de passionnés en gros. Juste parce que c'est une super aventure, Supinfocom. Donc Alors ça existe depuis 1988. On a créé cette école à Valenciennes. Elle dépend de la Chambre de commerce et d'industrie du Valenciennois. Alors c'est intéressant parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose quand même en termes de formation. Bien sûr, il y avait les Gobelins, bien sûr, Paris 8, avec des chercheurs. C'était très intéressant. Mais c'est vrai qu'à Valenciennes, zone un peu sinistrée, on avait besoin de qualifier des gens et c'est aussi une terre de créateurs, d'artistes. On appelle même Valenciennes l'Athènes du Nord. Et on a des dessinateurs de bandes dessinées. Pour la pub, c'était connu également. Donc on a décidé de travailler en fait en animation, images de synthèse et de réaliser des courts-métrages. Chemin faisant, alors c'était 88, les choses ont évolué. On ne parlait pas à l'époque non plus de multimédia ni d'interactivité, enfin... Donc les cursus ont évolué avec l'évolution des technologies et c'est évolution également de métiers, le croisement, la convergence de tous ces métiers. Et eh bien, chemin faisant, les étudiants ayant vraiment beaucoup travaillé, nous ont fait des petits bijoux, des beaux films qu'on a pu retrouver dans des festivals internationaux, ce qui a donné la notoriété à l'école. Et puis bah, maintenant, c'est un relais, c'est-à-dire que les étudiants doivent faire aussi bien que leurs anciens et c'est une chaîne sans fin. Est-ce qu'on peut... Alors, je sais que Sylvie ne... Elle n'aime pas trop quand je demande par rapport aux écoles ou quoi, mais alors peut-être que moi je pourrais le dire après, peut-être que. Mais est-ce que quand même on peut pas dire, et au-delà de la qualité hein, de Supinfocom, si on aime ou on n'aime pas ou quoi, mais est-ce qu'on peut dire quand même que Supinfocom est l'une des écoles sûrement qui a tiré vers le professionnalisme, ou en tout cas vers les festivals, notamment, par exemple, les écoles. Est-ce que toi, tu ressens ça par rapport à... Je parle des écoles... Complètement, hein, oui, bien sûr. Parce que quand on regarde aujourd'hui, les Gobelins n'en faisaient pas, aujourd'hui, ils font... des courts-métrages d'étudiants, ils n'en faisaient pas forcément. Alors, avant, on a toujours eu l'INSAD, et, enfin, il y a La Poudrière, mais qui est plus récent aussi. Oui, qui est une école de réalisateurs. Ah, voilà, il y a l'INSAD, mais c'est vrai que les films, rapidement, moi je me rappelle à Annecy, très tôt, les films de Supinfocom ont été... Et à Imagina, qui était aussi... Très rapidement, et Imagina, voilà, voire même avoir le Grand Prix à Imagina, enfin... Donc c'est vrai que c'est l'une des écoles qui a sûrement... voilà, alors des fois, pour du très bon, il y a des choses que j'aime un peu moins aussi, hein, voilà. Mais il y a de moins en moins, à une époque, c'était vraiment au tout début de Supinfocom, on avait beaucoup de ce qu'on appelait... Alors, je vais me faire engueuler par certains professeurs, mais il y avait pas mal de ce qu'on appelle les films ride, qui étaient ces films, en effet, qui étaient plus pour les attractions. Avec des caméras volantes. Ah, voilà, c'est ça, où il fallait faire des mouvements absolument invraisemblables. Et maintenant, on a juste énormément de petits bijoux. On se souvient tous d'Overtime, évidemment. Il y en a tellement, clic-clac, etc. Et donc, il y a eu Valenciennes. Et puis, à un moment donné, c'est dit, il fait vraiment froid à Valenciennes. Donc, vous êtes dit, on en fait une à Arles, c'est ça ou Oui, alors on a essaimé effectivement en 2000, parce que je ne voulais pas qu'il y ait un trop gros effectif d'étudiants à Valenciennes. On privilégie les qualités de travail. Les étudiants travaillent en équipe pour faire les films. Donc, je préférais qu'il y ait un autre lieu de création et de production de films, donc à Arles, dans le sud de la France. Et ce qui est bien aussi, c'est une école, c'est une ville culturelle. Il y a aussi l'École nationale de la photo. Donc, on est proche de tout le bas. Enfin, c'est dans le bassin méditerranéen. C'est aussi touché d'autres pays au sud. Là, on est, nous, à Valenciennes, en Europe du Nord. Donc, le choix s'est avéré intéressant. Oui, oui, oui. Et donc, aujourd'hui, c'est plutôt une... Très grande satisfaction, toute cette aventure Supinfocom. C'est une question un peu bête, un peu facile du journaliste, mais... En fait, moi, j'éprouve de véritables plaisirs en rencontrant les anciens, les diplômés. On les retrouve notamment à Annecy, parce qu'ils ont fait des métiers passion et ils mènent leur petit bonhomme de chemin, alors avec un peu des parcours d'exception. Mais tous se réalisent. Sont même réalisateurs pour certains, et on retrouve des films après les études dans des festivals. Donc, je pense que c'est ça la réussite de l'école, c'est ces parcours de passionnés. Oui, c'est ça. On a vraiment des gens qui vont faire des choses qui n'ont absolument rien à voir. Bastien Roger, qui va être même qui fait les pubs, mais qui continue à faire des courts-métrages, même en prise de vue réelle. Il y a eu la création de collectifs, de différents collectifs. Voilà, il y a eu Plex Gif, avec Erwin Charrier. Ouais. Donc, ils gagnent tous leur vie, c'est quand même un objectif, mais en faisant des métiers qu'ils aiment. Et puis, ils peuvent évoluer, changer aussi. Ça, c'est avantage, inconvénient de nos statuts intermittents du spectacle. Ils peuvent aussi changer de lieu, changer de production. Voilà. Et puis, alors maintenant, on a parlé d'Arles, mais on peut parler aussi de l'Inde, puisque depuis... maintenant 3 ans, on a essaimé en Inde, à Pune, c'est à 170 km de Mumbai. Et là, ce qui va être intéressant, c'est de voir des films réalisés par des étudiants indiens, puis par des Français, parce qu'on a des étudiants qui peuvent aller passer une partie de leurs études en Inde. Donc, il y a des équipes mixtes constituées d'étudiants indiens et d'étudiants français. D'accord. Donc, les premiers films vont sortir en mai 2011. Donc, ça va être quelque chose aussi d'étonnant, probablement, et très imprégné de toute cette culture indienne. On connaît bien sûr les films de Bollywood, mais il y a aussi une richesse donc au niveau de la création musicale. Et je crois que... Il y a des équipes qui sont uniquement indiennes ou toutes les équipes sont mixtes, quand même. Alors, il y a des équipes uniquement indiennes, mais donc sur 56 étudiants actuellement répartis sur les 5 années, hein, puisqu'on a commencé très très doucement, il y aura 3 films donc, qui vont sortir. Il y a donc 11 étudiants là actuellement dans la promo qui va sortir. D'accord. Et alors moi, il y a quelque chose que j'aime bien dans Supinfocom. Comment c'est venu cette idée que chacun propose son scénario, en fait, et il y en a un qui est choisi, et qu'ensuite, il y a tous les étudiants doivent se greffer autour d'un seul scénario. Rapidement, tu peux nous dire comment c'est. Je peux expliquer. Alors, rapidement, on est dans une école, donc on a un diplôme de réalisateur numérique. Donc, les étudiants ont des cours d'écriture, donc ils soumettent des notes d'intention au départ des synopsis, puis des scénarios. Donc, ils doivent finalement proposer des idées de films. Et tous les enseignants, comme une équipe de producteurs, essayent de trouver les bonnes idées de films. Chaque fois renouvelées, je ne veux pas qu'il y ait de genre d'école à SupinfoCom. Donc, on essaye de trouver des choses nouvelles, soit dans la forme, soit dans le récit, soit dans la narration, le graphisme, que sais-je. Et donc, collectivement, nous choisissons des films. Alors, évidemment, pour ceux dont les projets ne sont pas retenus, ça peut faire un petit pincement au cœur, mais ça s'arrange très, très vite parce qu'ils retrouvent dans les autres projets des univers qui les intéressent. Ils vont pouvoir se compléter parce que certains pourront jouer plus le rôle de direction artistique, d'autres auront plus de compétences en animation ou en graphisme, donc ça crée des équipes. Alors, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. Il y a quelquefois des tensions dans les groupes, on joue même le rôle de médiateur. Ce qui est étonnant, c'est que ça marche quand même. Mais ça marche. Quasiment tout le temps. Il y a, on le sait, des équipes qui, des fois, ça ne fonctionne pas trop. On peut foirer. Courant, des fois, voilà, il y a des choses. Mais en tout cas, quand même, en grande majorité, c'est, ça marche, qui n'est pas évident de travailler en équipe. Ce n'est pas évident d'accepter les idées des autres. Et c'est toujours quelque mais chose de compliqué. Mais c'est très apprécié par les professionnels parce que quand ils vont se retrouver dans ce milieu professionnel, c'est toujours un travail d'équipe. Donc, les apprentissages de vie en groupe et de effet à l'école. Oui, parce qu'en plus, il y a des... Attention, le jury de fin d'année, tous les chasseurs de tête de DreamWorks, de... Oui, mais des studios français. Sont... Hein, et des studios français, oui, non, mais quand là. DreamWorks, c'est vrai. De suite, il faut qu'on cite le site. Mais ils sont dans toutes les écoles. Mais tout est... Oui, de toute façon. Et, c'est vrai que c'est une forte pression pour les étudiants, mais c'est aussi une grande chance pour eux parce qu'il y a projection de leur film dans une grande salle de cinéma avec... avec leurs amis, leur famille, les enseignants et tous les autres copains étudiants. Donc, c'est quand même un temps fort, ce jury. Là, vous allez voir qu'on est en direct et qu'à Bulle de Rêve, comme d'habitude, on ne cache rien. Je vais demander en direct à Sylvie de bien vouloir ouvrir la porte, si ça ne la dérange pas, du studio, parce que sinon, on va tous éclater parce qu'il fait chaud. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. Et vous allez en direct avoir aussi une demande d'emploi en direct, si jamais vous avez besoin d'un prof cinémato. Supinfocom, voilà, j'applique. On peut dire non, j'applique. Non, je veux bien être prof. Tu veux bien être prof. Voilà. Bah, non, écoute, je vais recevoir ta candidature qui paraît intéressante. En direct, voilà, c'est ça. C'est du cinéma d'animation, monsieur Huneau. Ah voilà, je le dis, voilà, comme ça, je l'aurais fait en direct. Ça doit pas être souvent. Je l'ai comme modérateur. Il y a une demande d'emploi, voilà. Il est pas mal. Merci. C'était juste, voilà, comme ça maintenant, là et maintenant, on peut parler. Toute petite question, justement, bien sûr, de Supinfocom, parce qu'on a effectivement cette année, donc, enfin, depuis l'année dernière, vous êtes passé à 5 ans, je crois. Oui. Donc on a effectivement passé quelques films qui étaient... Je voulais mettre l'accent là-dessus parce que c'était vraiment très intéressant de découvrir ces petits films courts d'une ou voire deux minutes maximum qu'on a diffusés en mars dernier, en fait, en attendant la prochaine édition du Carrefour. Ça, c'est des choses qu'on ne voit pas dans les... Je veux dire, dans les festivals ou en dehors de l'aspect école. Est-ce que c'est des choses que vous diffusez Alors, par ailleurs? Parce que c'est vraiment... vraiment très intéressant, une histoire très ramassée. Si on va les diffuser, ce sont des films, là, cette fois-ci, individuels, des films d'une minute, oui, sur un thème donné. On a aussi d'autres expériences comme le laboratoire des images. Mmh. On a le temps de faire différentes expériences pendant la scolarité, bien sûr. C'est vrai, on c'est va bien essayer aussi de les diffuser. Ce qui est intéressant aussi à Supinfocom, c'est que vous êtes un petit peu plus cool que certaines écoles. C'est-à-dire que quand des étudiants veulent, au bout d'un moment... Alors, il y avait Annabelle qui était le premier film qui a les droits des films, je sais, enfin, qui... peut avoir ça, mais quand les étudiants veulent les mettre en ligne, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop tapé sur les doigts. Je suppose que vous regardez, mais... Normalement, les étudiants doivent mettre des extraits. Puis, il y a un peu une vie des films. C'est-à-dire que si tout le monde les a vus sur Internet avant de les voir en festival, c'est un petit peu dérangeant. Et puis, pour des acheteurs aussi potentiels, c'est vrai que c'est... Donc, on conseille plutôt de mettre des extraits, mais certains, effectivement, les mettent quand même. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Et puis, ça fait des buzz. Mais c'est bien, oui, parce que c'est ça. Mais non, mais j'aime d'autres écoles aussi qui les mettent. Enfin, l'ENSAT, ça peut être. L'ENSAT, non, mais. Tu trouves pas de film, tu trouves que des extraits. Ou alors, je suis. L'ENSAT, on peut. L'ENSAT, ils peuvent. Enfin, bon, on va pas parler. Moi, j'avais mis pistage, je sais. En fait, l'étudiant peut, s'il veut le mettre, il conseille. Non, mais j'aime bien l'idée de conseiller. Alors, conseiller qu'il y a certaines écoles. Et Annick Tenage est la bienvenue, évidemment, ici, pour la Poudrière. De toute façon, pour parler de la Poudrière et pour parler de ça aussi, en effet, eux, je sais qu'ils veulent absolument pas. Mais ce qui fait que, des années après, des films de la Poudrière sont absolument invisible aujourd'hui, oui, alors qu'il y a certains films en effet qui ont marché de super Focom aussi. Mais c'est peut-être parce qu'ils ont des accords avec des télévisions, ils n'ont peut-être pas toutes les possibilités, tous les droits, je crois. C'est quand même un cas, c'est un cas particulier, j'ai envie de dire. Hein. C'est sans être sauf que de s'arranger, encore une fois, Pistache avait été acheté, je crois, par Arte et Valérie Pierson, la réalisatrice, avait dit, ben oui, mais il est sur Internet. Et eux avaient demandé, avaient dit, oh, c'est pas très grave, c'est sur un petit site. C'est vrai, c'était sur le. Mais enfin, il n'y avait pas beaucoup. C'était pas problématique, on va dire, et ça avait marché. Bon. Mais Pistache, t'es sûr que ce soit de la poudrière, c'est pas l'ENSAD? Non, c'est l'ENSAD. Oui, oui, on parlait de l'ENSAD, oui, tout à fait. Oui, oui. Oui, c'est vrai que je zappe entre deux. Ceci étant dit, donc on a fini sur les écoles. On va revenir évidemment sur les écoles, mais là, on va parler des Imagiciens plus particulièrement. En plus, ce qui m'intéresse, c'est de parler des débuts des Imagiciens aussi, parce qu'au départ, ça devait être dans plusieurs villes. Robin, c'est ça, ça devait pas être dans une seule ville. Oui. Alors, c'est une vieille histoire, enfin. Pas aussi vieille que moi, mais néanmoins. Donc, c'est la 12e édition cette année. Alors, l'historique de cette manifestation, lors d'Imagina, donc, qui se tenait à Monaco, le festival des images de synthèse. Donc, il y avait Pierre Hénon de l'INA, pas Pierre Hénon ENSAD, qui avait mis en place un festival qui s'appelait le Festival européen de la jeune création infographique. Donc, une première année, ça s'est tenu à Montreuil. L'année suivante, au Forum des images, au HAL. Et c'était déjà l'idée de ces rencontres, mais il y avait peu d'éléments de rencontre. Mais on voyait des films, et c'était pour qu'il y ait des rencontres entre professionnels et jeunes étudiants. Parce que sinon, Imagina, qui était fait pour des professionnels à l'époque, était piraté. Enfin, il y avait trop d'étudiants. Mais il y avait des rencontres très, très sympas, donc on suivait avec les étudiants. Donc, il y a eu ces manifestations. Et ensuite, ça s'est tenu à Bruxelles. Je m'étais un peu occupée de l'organisation avec la RTBF qui organisait ce festival, donc notamment pour faire des ateliers avec des étudiants. Déjà, l'idée de travail en commun et de rencontres entre les étudiants de différentes écoles européennes. L'année suivante, c'était à Milan, donc ça, on est parti à Milan avec Maria qui coordonnait. Là, j'ai organisé aussi quelques ateliers. Et l'année suivante, ça devait se trouver à Strasbourg. Mais là, on a constaté, en fait, l'INA a constaté que c'était très difficile, cette itinérance qui était en soi une excellente idée, parce qu'on touchait les étudiants Europe du Sud, Europe du Nord, mais qu'à chaque fois, il fallait retrouver des équipes d'organisation sur place, des financements. Donc, l'INA ne pouvait plus tenir. Donc, ils ont lancé un appel à projet pour qu'une ville reçoive ce festival. Et donc, il y a eu un appel à projet, donc on a répondu. Donc, Valenciennes a été sélectionnée. Mais dans l'idée, c'était de pouvoir passer le relais 3 ans après et que la troisième année, on puisse donc intégrer l'équipe suivante et ainsi de suite. Mais quand on a voulu faire ça, ben finalement, tout le monde disait, c'est bien, vous en occupez à Valenciennes. C'est quand même il faut trouver tous les financements. Personne dans ce collectif qui est très sympa, qui existe toujours, un collectif de pilotage des Imagiciens. On retrouve des représentants des différentes écoles. Donc, c'est resté à Valenciennes. Puis après, il y a eu aussi une évolution, c'est-à-dire que l'INA a abandonné Imagina, a laissé cette manifestation à Monaco. Et s'est recentré sur son activité principale, la conservation des œuvres. Et puis, ils nous ont dit, maintenant, vous vous occupez... Alors, c'est devenu des Imagiciens. Pourquoi? Parce qu'au début, c'était rencontre européenne... Enfin, c'était Festival européen de la jeune création... de l'image de synthèse. Enfin, bref, ça a évolué, rencontre européenne de la jeune création numérique, parce qu'il y avait le multimédia. Puis ça a évolué petit à petit, puis on oubliait toujours un morceau de la phrase. Donc on a trouvé un truc plus percutant, donc I, de numérique, magicien, on aime bien la magie, c'est toujours un peu magique. Puis on retrouve l'origine, la racine du mot image, comme imagina, en fait. Donc on se retrouvait tous là-dedans. Alors c'est toujours à Valenciennes, je ne sais pas, je ne connais pas l'avenir. Mais en tous les cas, il y a toujours la même énergie avec ce collectif de pilotage, la participation de nombreuses écoles et, j'allais dire qu'un peu la marque de fabrique de notre événement, et on pourra en parler après avec des étudiants qui sont ici, enfin des étudiantes, c'est l'organisation d'œuvres collectives. J'enchaîne si tu veux sur l'animation chaînée. On va en parler. J'aimerais juste venir sur une chose parce que, vous savez, si vous écoutez l'émission, je suis plutôt gentil, les invités le savent. Marianne me regarde, qu'est-ce qu'il va me dire. Je suis plutôt, j'invite que les gens que j'aime bien pour parler de manifestations, et vous savez, mais vraiment plus que j'aime beaucoup les magiciens et le Carrefour. Comme je dis souvent, il y a tellement peu de temps pour parler déjà des choses qu'on aime bien, on va pas parler, mais évidemment des fois j'ai des petites questions qui sont un petit peu voilà. Et cette année on va en parler, j'ai eu la chance et le plaisir de participer au jury de la presse, et j'ai remarqué qu'il y avait des films qui étaient où il n'y avait pas du tout d'animation, donc pas du tout d'image par image. Où est aujourd'hui, au niveau de cette jeune création numérique, la frontière qu'on a, sachant qu'aujourd'hui tout film quasiment se fait avec du numérique, même le montage. Donc c'est quoi aujourd'hui la frontière pour les magiciens? Alors ça reste toujours un grand débat dans notre collectif, hein, parce qu'au départ c'était la 3D image de synthèse, puis il y a eu du multimédia, parce qu'on a aussi une compétition jeux vidéo, on reçoit des installations. Et l'idée de la jeune création numérique, c'est-à-dire que les outils servent ou augmentent la créativité des étudiants. Donc on reçoit des films d'écoles d'art, et on voulait qu'il y ait plus de passerelles entre les écoles d'art et les écoles dites d'animation ou les écoles spécialisées en infographie. Et je pense que le débat du coup est assez riche, parce que quelquefois la frontière, par exemple, je vais parler du Frénois, mais je peux parler aussi de l'ENSA, mais des écoles du Havre ou des écoles de Poitiers, on sait plus trop, on n'est peut-être pas obligé de les mettre dans des catégories. En tous les cas, on a de jeunes auteurs qui utilisent des outils numériques. Alors ça peut être pour du montage, le son, forcément le son maintenant est dans tous les films et c'est numérique. Il y a donc un travail intéressant sur l'image. Alors on reçoit quand même, alors là par exemple j'ai les petits chiffres, j'ai l'anti-sèche. Nous avons reçu exactement cette année 389 films qui se répartissent en 44 films reçus en catégorie A, 345 films d'animation. Donc ça faisait 28h25 de programmation. On a sélectionné pour la compile des profs. On va en reparler ça. On en parlera après. Ouais. Donc, c'est intéressant. Les écoles d'art, on souhaitait qu'elles soient là. Et depuis l'an passé, c'est un peu... Moi, je suis... Attention, je suis plutôt pour. Et c'est l'un des grands débats d'animation aujourd'hui. Qu'est-ce que l'animation? L'image par image? Le cinéma d'animation, est-il du vrai cinéma, etc., etc. Il y a plein de débats. C'est un peu ce qui nous... Voilà, avec les Césars aussi. Enfin, on en a souvent parlé à Bulle de Rêve. Et c'est quelque chose que je trouve très bien. Et le fait qu'aujourd'hui, en effet, on gomme, on va dire, et quelqu'un ait juste envie de créer un film. La seule chose, c'est que ça veut dire que demain, la Fémis... Et ça comment? Enfin, il y a des... On a deux films de Louis Lumière. On a deux films dans le best-of, qui sont deux films très intéressants, mais où il y a absolument zéro seconde d'image par image. Ça ne me dérange pas en tant que tel, mais ça veut dire que demain, toutes les écoles, même traditionnelles de cinéma, vont pouvoir envoyer, et vous allez avoir plus de 300 heures, vous allez avoir 700 heures de films. Alors on sera obligé, dans ce cas-là, de créer vraiment des catégories différentes. D'accord. De mettre le festival sur 8 jours. On n'en est pas là, mais bon... Je dis que c'est intéressant, on a évolué petit à petit, il faudra redéfinir à ce moment-là, que ça soit clair pour nos festivaliers, pour ceux qui veulent envoyer des œuvres. Donc, où s'arrête, comme tu le dis, en fait. Alors, effectivement, on n'est pas festival de films d'animation, même si on reçoit énormément de films d'animation. Voilà, mais on se laisse étonner par des petites trouvailles quand même bien, et des mix de solutions numériques auxquelles on n'aurait pas pensé. Mais c'est vrai que c'est juste parler, on parlait du Frénois, le Frénois est à part, et il y a, encore une fois, il y a de l'image par image, en n'employant pas le mot animation, mais il y a de l'image par image, à des moments ils font de l'image, alors que dans certains des films, encore une fois, et c'est pas pour faire la guerre entre eux, c'est juste pour comprendre où il y a quelque chose, si toi... Carrefour de l'animation, Le Frénois, on les a accueillis une année, je ne sais plus en quelle année, ça doit faire peut-être 2 ans, je crois, 3 ans, Metteur les murs, je pense. Voilà, mais il y avait un seul film dans lequel on pouvait, qu'on pouvait mettre dans les programmes animation, parce que c'est vrai que c'est plutôt, comme tu le disais... l'image numérique pure, quoi, où l'animation est pas très présente. Il joue pas tellement là-dessus. Et donc, ceci dit, ça reste évidemment très intéressant. Mais je trouve. Alors, il y a autre chose, c'est que c'est pas comme les autres écoles. Après le bac, c'est plutôt un centre de formation plutôt professionnel. Ah non, c'est post-diplôme en fait, oui, c'est plutôt ça. Résidence comme résidence, voilà, d'artiste, voilà. Avec des mais des je trouvais intéressant qu'on leur fasse une de projecteur une année, etc. Mais c'est pas pour autant que... Alors, on doit peut-être leur préciser, là, on reçoit, nous, comme donc dans le carrefour de l'animation, enfin des écoles d'animation, on ne reçoit que des films d'école. Hein, donc, oui, bien sûr, déjà, oui, c'est un peu limitatif. Films, ouais. Alors, on peut retrouver aussi des films, par exemple, il y a le festival Henri Langlois qui va avoir bientôt lieu, c'est festival d'école, c'est très intéressant. Donc, il y a beaucoup de films d'animation et quand j'y suis allée, il y avait aussi du documentaire. Alors, La Frontière, par exemple, on a des films d'animation, ce sont des documentaires. Donc, alors, tu vois les... Attention, parce que... Enfin, on va pas... Doc, animation, hein. On va parler, ça c'est passionnant. Soyons clairs qu'un documentaire est un genre et que l'animation est une technique. Oui, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que moi, quand on prend prise de vue réelle et animation, on va revenir sur ce vieux débat, mais qui est même un débat en ce moment qui est plutôt à la mode, de savoir juste, encore une fois, c'est juste de technique. Et le jour, en effet, où un réalisateur... de prise de vue réelle, le jour où Bertrand Tavernier voudra juste se dire bah tiens comment je pourrais faire ça et qu'il aura même pas à se poser la question, il dira bah tiens je vais demander à quelqu'un de me le faire en dessin. J'ai regardé hier un film de Tsui-Hark, enfin réalisateur de Hong Kong, et au tout début il y a du dessin, à un moment donné il y a des petites choses d'anime et il se pose pas de questions, il se dit pas bah tiens qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais le faire. Et à la télé ils vont repasser Valsak et Bashir. Un réalisateur qui se pose pas de questions, mais c'est vrai que pour l'instant on est encore dans cette vision des choses entre quand même d'un côté deux techniques. C'est à réfléchir. Enfin, à chaque fois, on se dit qu'il faudrait faire un débat à Bulle de Rêve. On en fait à chaque fois. Un débat sans fin. J'aime bien les frontières floues, moi. Mais moi aussi. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'elles sont floues complètement. Ça veut dire que même pour les écoles d'art ou les écoles d'ailleurs, ça veut dire que est-ce qu'elles sont floues de tous les côtés. Et par exemple, on le voit bien qu'avec les Césars, eux, ils voient une frontière très catégorique. Puisqu'ils ont essayé de faire un César de l'animation. Donc, est-ce que la frontière vient que des gens de l'animation. Allez, on englobe tout. Parce qu'on est comme ça, parce qu'après tout c'est bien, ou alors au contraire de se dire il faut aussi qu'à un moment donné on soit reconnu. Grande question. En tout cas, il y a une expérience intéressante qui se passe à l'EMCA, donc l'école des métiers du cinéma d'animation d'Angoulême, qui est à ma connaissance la seule. Hein, ils ont cet atelier, ou peut-être plusieurs dans l'année d'ailleurs, avec Créadoc. Un seul en fait, pendant un seul, deuxième année. Mais ça, je trouve ça formidable comme échange entre les étudiants de Créadoc et les étudiants de cinéma d'animation. Ça fait chaque année des petits films hyper intéressants, je pense. On a d'ailleurs reçu aux Imagiciens. Oui, bien sûr, il y en a. Et ça, c'est un échange que je trouve devrait se passer un peu plus dans beaucoup d'écoles, c'est-à-dire cette rencontre entre le cinéma documentaire et le cinéma d'animation, c'est fort passionnant. Sauf que c'est passionnant ce que tu dis, parce que par exemple, moi qui travaille à l'EMCA, je peux le dire, on parle justement par rapport au Créadoc, et il y a un grand problème chaque année de se dire qui est le créateur. Donc c'est les co-créateurs, mais qui fait, parce que normalement le Créadoc, il leur donne une bande-son, et ensuite eux, les gens de l'EMCA, les étudiants de l'EMCA, travaillent évidemment sur le visuel. Donc qui est le véritable créateur? Donc entre écoles, c'est c'est pas le réalisateur, c'est co-réalisé, c'est pas réalisé parce qu'il y en a qui fait la bande-son, donc il faudrait mettre un film 2 réalisé par, au niveau de l'image, réalisé, enfin, et ça... Après, ça reste compliqué au niveau, encore une fois, de cette frontière, de savoir qui est le créateur. Bon, là, on est dans un cadre de réalisation collective, dans un cadre pédagogique, donc c'est vrai que c'est un peu plus, peut-être plus souple, entre guillemets. Mais... Les Imagiciens, on va parler, à suivre, encore une fois, c'est un grand débat. À chaque fois, vous savez, je vous dis tout, et à chaque fois, les invités, sauf qu'ils ne sont pas beaucoup, disent, mais on a 2 heures, mais on est 3-4, ça va être énorme, on ne va pas avoir. Et en fait, à chaque fois, on se rend compte qu'on n'a jamais le temps de tout dire parce qu'il y a toujours plein de débats qui se mettent en place et il fait trop froid maintenant. Donc voilà, vous savez tout. Donc, les Imagiciens rentreront dans le vif de la rencontre. Il y a plusieurs choses. Moi aussi, je vais sortir mes petites notes. On va pas d'abord prendre ce qu'il y a par sur les 3 jours, parce que ce sera du mercredi 1er, il faut quand même le redire, au vendredi 3 décembre. Donc, mercredi 1er, donc jeudi 2, vendredi 3, par évident. On va prendre déjà ce qu'il y a en périphérie et ensuite, on parlera de chaque jour ce qu'il y a exactement. Forum Emploi, c'est nouveau. Avant, c'était à Lille et ça s'est déplacé, c'est ça, à Valenciennes. Alors oui, alors c'est nouveau, donc c'est au cœur des Imagiciens. Donc on va recevoir 17 entreprises régionales. Donc il y a eu un lien avec l'AFJV, donc qui est l'association... Non, c'est, je dis des bêtises. Oui, c'est pas ça, non, je dis pas ça. C'est avec le site... Je crois que c'est, attends, je dis pas de bêtises, c'est live, j'y vais. Alors, je vais dire des bêtises là, mais je vais le retrouver. Attention, c'est bah, direct. Oh. Forum emploi. Effectivement, c'est avec l'AFJV, donc, là, c'est, enfin, donc l'Agence française pour le jeu vidéo, qui est un site très intéressant où les offres d'emploi sont en ligne. Ce qui permet donc pour des étudiants de voir ces offres d'emploi, d'organiser des rendez-vous. Alors, dans le Nord, on a des sociétés, bien sûr, de jeux vidéo. On pourra parler d'Ankama, mais il y a aussi des sociétés plus petites, d'ailleurs créées par des anciens comme Biouk. Enfin, il y a aussi des entreprises qui travaillent plus dans le multimédia. Donc, il y a aussi des sociétés qui font du cinéma d'animation. Donc, on va les retrouver. Elles seront là pendant 2 jours, donc le 1er et le 2, avec des petits stands. Les étudiants pourront venir avec leur book et avoir ces rendez-vous. Alors, c'est nouveau, effectivement. Alors, c'est une volonté de la Chambre de commerce. Là, on est bien dans une dimension un peu plus économique. Mais je crois que ça va faire plaisir aussi aux étudiants. Ils pourront alterner entre visionnage, conférences et petits rendez-vous avec des professionnels. Voilà. Alors, il y a cette partie régionale. Et puis, par exemple, il y a des gens de chez MPC qui vont venir. Qui viennent pour la conférence du vendredi et qui viennent à deux parce qu'ils voudraient quand même bien rencontrer des étudiants. Donc, mais ça, c'est une surprise. Et puis, pour avoir une surprise pour ceux qui sont, voilà, qui sont dans... On parlait d'Ankama, visiblement, d'après les sources, certaines sources, Yuasa, le restaurant de Mind Games, sera en ce moment à Roubaix, à Ankama, pour travailler, parce qu'il travaille avec Ankama. Donc voilà, donc c'est, oui, c'est des petites choses qui se disent comme ça. Oh, Yuasa, il paraît-il à Ankama. Et comme il a travaillé à Tokyo là-bas, donc voilà, il faut le faire venir, Yuasa, au Imagicien. Et alors là, c'est. C'est ouais. L'émeute. Le phénix va encore être trop petit. Ah, là, oui, là, c'est, on aura droit à tout le monde. Mais bon, il faut essayer. En tout cas, s'il veut venir à Bulle de Rêve, ça va être plaisir. Je vais garder juste pour un petit peu après ma chose préférée, qui est l'animation chaînée. On va déjà commencer avec la Battle Air. Oui, c'est alors, Battle Air, avant, on appelait ça, en fait, la Web Jam. Alors, ça s'adresse à 9 équipes. De 2 étudiants, un développeur, un graphiste, qui vont travailler avec le logiciel Flash. Et ils se battent comme dans Battle Royale, c'est ça, avec les logiciels? Non, j'espère qu'ils ne vont pas trop se battre. Mais dans les couloirs du Phénix. Mais ça doit être interactif, ça se limitera à la coursive et on pourra suivre quand même sur notre site internet, donc à distance. Donc c'est parti. Parce que cette année, la règle du jeu qui a été donnée par, c'est les Gobelins, donc ils mettent ça en place dans le cadre des Imagiciens, David Tardivaux et Marcel Villoin. Donc l'idée, c'est de créer un archipel composé de 9 îles. Donc il fallait déjà les créer graphiquement et puis faire de l'interaction avec les autres îles. Donc on pourra suivre ça en temps réel sur place et puis ensuite jouer sur le site, en fait. Alors, des équipes qui viennent un peu aussi de partout. Et puis, comme l'an passé déjà, on a des équipes de sound designers de l'Engmin, l'école d'Angoulême, qui vont travailler sur la bande-son de ce travail interactif. Donc, c'est la Battle Air. On va, même si évidemment le jeu vidéo est quelque chose d'important aujourd'hui dans l'animation, mais on va continuer avec le jeu vidéo pour revenir ensuite sur l'anime. Il y a la zone Z. Alors la zone Z, comme des étudiants... C'est vraiment Battle Air, ils sont ça en jeu vidéo. Nous, c'est des noms, alors que là, les jeux vidéo, c'est Battle Air, zone Z. C'est... Et bon, vous allez vite décoder si vous venez, donc venez. C'est un espace où des écoles peuvent montrer leur réalisation, leur prototype de jeu ou d'autres. Alors, on a des écoles, bien sûr, comme l'Edgemin, Mélisa. Donc, il y a aussi l'école Émile Cole, donc qui sera là, mais une école aussi qui s'appelle, enfin, de Ouest de Courtrai. D'accord. Différentes écoles à découvrir avec leurs étudiants qui nous montreront leur projet. Alors, c'est ce qui est nouveau aussi en bas, près de... Il y aura ça, c'est nouveau, près du forum emploi au sous-sol. On aménage un espace un peu détente rencontre pour tous ceux qui ont envie de se retrouver, les étudiants, les professionnels, zone avec il y a plein de cubes en carton pour s'asseoir, se vautrer sur la moquette. Oui. voilà. Ça va être bien. Non, mais c'est pour favoriser les rencontres. Ah oui, ça va favoriser les rencontres, oui. Oui, parce qu'avant, il y avait le labo. Alors, le lab. Le lab oui, qui était, en fait, alors, faute de budget, on a enlevé le lab. Ce qui était, On pouvait montrer des de nouvelles recherches, applications qui n'étaient pas forcément encore commercialisées. On découvrait des technologies ou des installations artistiques. L'année dernière, on avait confié la préparation du lab à l'ENSAD, puisqu'ils ont un groupe recherche pour découvrir ces choses-là. Donc, c'est remplacé par autre chose cette année. Et puis, on n'aura pas de lame, mais on espère qu'après, on pourra le remettre en route. Alors, donc, ça, c'est ça. Et alors, donc, le gros morceau pour moi, l'un des morceaux les plus intéressants, Oui, Magicien, qui est l'animation chaînée. Ah, alors, oui. On va, avant de donner la parole à Louise, de savoir pourquoi on a envie de participer à l'animation chaînée, comme ça, ça lui donne le temps de trouver une réponse. Comment ça se passe, l'animation chaînée? Alors, c'est quoi exactement? Alors, l'animation chaînée, c'est donc la rencontre de plusieurs équipes. Alors, on avait dit 13, mais ça y est, on est passé à 14 équipes parce qu'on ne pouvait pas se décider. 14 équipes de 3 étudiants ou étudiantes, bien sûr, cette fois-ci, qui réalisent 10 secondes d'animation qu'on met ensuite bout à bout et qui sont donc montées. Et ça fait une sorte de cadavre exquis qu'on montre en soirée de clôture. Mais la particularité aussi, c'est que la règle du jeu, qui est chaque fois revisitée, dépend de l'artiste invité. L'année dernière, nous avions Jérôme Lefdup, c'était sur le VJing, donc les boîtes de nuit, le mixage vidéo, donc son. Cette année, ce sont les Jean-Claude. Alors les Jean-Claude, un collectif de trois jeunes, Sébastien, Nicolas, Mathieu, qui sont plutôt des illustrateurs, typographes, graphistes, avec qui on avait une expérience à Subinfocom dans le cadre du laboratoire des images, mais qui nous ont proposé, qui nous ont offert déjà l'image, le visuel. Oui, c'est ça, en plus, pour une fois, le visuel des magiciens. Et par le. Vous pouvez le voir sur le site. Tout à fait, on va le redire après, voilà. le site. Et donc. Qui nous ont proposé de travailler sur le gigantisme vers le minuscule et vice-versa, du minuscule vers le gigantisme. Alors, par des petits passages, ça peut être le trou d'une serrure, ça peut être un toboggan, que sais-je, ça c'est l'inspiration des étudiants. Alors, ils doivent, les étudiants donc, qui s'inscrivent au départ, il y a un appel à participation, en disant on aimerait bien participer... à l'animation chaînée, ils doivent faire déjà un petit travail. Donc c'est exigeant aussi, ça, on leur demande du boulot. Alors ils doivent proposer une petite ligne graphique, déjà se présenter eux-mêmes, et ensuite faire l'animatique, même deux cette année, parce qu'il fallait passer du gigantisme au minuscule et du minuscule au gigantisme. Ensuite, Bernard Gabillon, qui orchestre, qui est le responsable du DMA à l'ESAT à Roubaix, donc qui coordonne tout cela, s'est réuni avec les Jean-Claude pour voir tout ce travail effectué. Ça a pris du temps quand même parce qu'il y avait combien beaucoup. Combien il y avait de, tu sais, alors, il y avait plus de 50 participations, ouais, mais il y avait. D'accord. Et après, il a reçu 28 dossiers très finalisés. D'accord. Donc, on a sélectionné. Moi j'ai observé, ce n'était pas. Donc, ce sont surtout les Jean-Claude qui ont donc sélectionné ces équipes. Alors, il y a beaucoup d'équipes de l'EMK qui ont fait un travail formidable, il faut le reconnaître, l'EMK donc d'Angoulême. Il y a bien sûr l'ESAT. Mais sauf que cette année, il n'y en a qu'une, Louise, non, je ne dis pas de bêtises. Non, ça fait deux avec une équipe mixte. Il y a deux équipes. Il y a deux équipes. Alors, il y a aussi une équipe de Nanyang Polytechnique de Singapour. Ouais. Il y a, je pense, deux équipes de Subinfocom, des cycles préparatoires. Alors, cette année, on aura... on a oublié carrément la 3D. Je me demande s'il y aura de la 3D, mais il y aura de la peinture animée. Enfin, je ne vais pas tout dévoiler, mais moi, j'ai vu des images superbes. Génial. Et ça va être encore vraiment... Et donc, ils ont deux jours chose exceptionnelle. Un peu plus. Ils commencent le mardi, en fait, oui, fin de matinée. Vrai, comme ils dorment pas. Et puis, ils ont deux nuits. Ils ont 48 heures, ne le dis pas, ça, on aura l'inspection du travail sur le dos. Ils peuvent venir directement, en effet, là. Et voilà, mais enfin, c'est... Bon, ils peuvent... On leur a retenu des chambres, hein, quand même. Ils ne dorment pas parce que c'est un... Bon, c'est trop passionnant. C'est pas grave de ne pas dormir pendant deux jours. Alors, on leur donne à manger, quand même. Ils ont des madeleines, des clémentines, des trucs, plus... Voilà. Plus tout il y a une bonne ambiance. À l'extérieur. Mais c'est un temps fort, donc c'est un échange avec les artistes, les étudiants entre eux. Il y a pour la création musicale, il y a donc des étudiants 5 du CMA, du Centre de musique actuelle de Valenciennes, que je vais rencontrer d'ailleurs mardi, qui préparent, on va leur donner tous vos, enfin, déjà les animatiques, ils vont déjà réfléchir à un travail musical et puis ils vont adapter, coller ça précisément. Ils vont travailler ensemble avec les graphistes. Enfin, voilà. Alors le vendredi matin, chaque équipe dans la grande salle du théâtre va présenter son travail d'équipe. Les 10 secondes, ça ne sera pas encore monté. Et on découvrira en soirée de clôture l'œuvre. Après, moi, j'appelle ça une œuvre. Oui, hein, parce bien sûr, que oui. C'est un travail assez intéressant. Et c'est toujours assez exceptionnel. D'ailleurs, c'est quand ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'on le répète, je vais le répéter en direct. C'est quand on a toutes les animations chaînées qui sont super bien sur Internet. On a la dernière qu'on peut voir, en effet. Il faudrait récupérer toutes les animations chaînées. On les a, en fait. Elles sont heureusement sauvegardées au niveau de l'INA, dans le fond de la jeune création numérique. C'est des problèmes liés à notre site, à la Chambre de commerce, il faut le dire très humblement. C'est parce qu'on n'a pas, en fait, le site est mal maintenu. Il y a eu des changements à la fois d'hébergeurs, on n'a pas une personne qui s'occupe, on n'a pas du personnel à l'année. Et donc, c'est dommageable, mais on va essayer de mettre ça. Ouais, ça c'est une on chose. On va le mettre sur The Webanim. Sans aucun problème. Il suffit d'avoir. Et les magiciens ont une chaîne YouTube ou sur Dailymotion, cette Dailymotion. Il suffit de les mettre sur Dailymotion et ça, il n'y a plus de problème de site du CCI ou de quoi que ce soit. Hein. Alors, on va s'organiser faut juste pour que ça soit, parce que c'est vrai que c'est Il y a telle merveille. Celle avec Florence Mignol, il était super joli. Oui, alors, en plus, on a eu des gens, on a eu Michel Oslo. Voilà, il y a certains en plus, c'est ça, il y a certains artistes, ça se passe très très bien, et certains artistes où ça se passe un peu moins bien. T'as dit les deux, donc oui, c'est bien. Enfin, on a eu Cécile Babiel. Je dis que c'est pas que c'est un peu moins bien, on aime non. plus. Non, j'ai dit que souvent, c'est un peu la complexité d'avoir un artiste qui est pédagogue et qui d'un seul coup va amener des choses. C'est compliqué, vous le savez pas forcément. Où l'échange peut être plus riche, et c'est vrai. Bien sûr. Certaines fois, si c'est trop dirigé. Voilà, ça, c'est moins bien pour les étudiants et pour l'ensemble. Il y a des artistes qui sont Florence Millay, tu l'as dit, Florence, à l'ENSAD ou pas encore? Oui, c'est ma prof d'année. C'est ta prof d'année, mais Florence, elle travaille tout le temps en prof, donc c'est bon. Là, Louise, il faut que tu parles. Il faut que tu dises pourquoi. Pourquoi venir à Valenciennes dans le froid? Non, mais en fait, quand on est étudiant en animation, on a envie de faire des films. Sauf que dans une école, on a souvent l'occasion de faire un seul film, sauf Canal J ou d'autres choses. Et c'est l'occasion de faire un projet en plus du film final étudiant qui aboutit, qui conclut au parcours étudiant. Mais toi, c'est la première fois, donc, l'animation chaînée. Non, la deuxième fois. C'est la deuxième fois, Et la première fois, c'était quand? C'était l'année dernière. Ouais. Ouais, c'était... toute la classe, on a participé parce que c'est aussi une volonté de rencontrer les gens des autres écoles. C'est très important. Et c'est, on s'amuse avant tout. Ouais. C'est très important. Donc faites plaisir pendant 2 jours, c'est ça? Vous travaillez, chacun travaille sur quelque chose? On apprend en plus en très peu de temps. Y a des problèmes qui se posent et qu'on résout très vite. Donc l'année dernière, c'était qu'avec des gens de deuxième année. T'étais à l'ESSA de Roubaix, c'était que des gens de deuxième année, c'est ça? Oui. Alors que cette année, tu vas travailler avec quelqu'un de deuxième année et de première année de Roubaix. Oui, c'est une équipe mixte et on travaille à distance. Et donc pour l'instant, on n'est pas trop organisé. On ne sait pas trop vers où on va se porter, même graphiquement. Donc... C'est peut-être un peu trop riche, mais ça va se décanter sur place. Oui, non, il y a un travail préparatoire aussi avant, parce qu'on peut l'illusion de tout faire sur place. Enfin, le but est de tout faire sur place, mais on va pas arriver les mains dans les poches et se dire on fait quoi, parce que en 3 jours, si on se lance dans un projet un peu ambitieux en 3 jours. C'est pour ça que les films sont bien. Faut être réaliste, c'est-à-dire qu'en animation, en 2 jours pour faire 10 secondes. On a envie de garder ce petit challenge de faire le plus possible sur place, mais oui, on va se donner un peu des chances en partant avec un petit bagage Effectivement, depuis quelques années, on sent qu'il y a un vrai travail préparatoire qui sont faits par les équipes, mais ce qui prouve leur motivation. Et puis sur place, comme il y a Bernard Gabion qui s'implique aussi beaucoup, votre prof, enfin de l'ESA. Son ancien prof, oui, de l'ESA, à Louise, oui. Et puis l'artiste, à chaque fois, ça, c'est un peu la surprise. On ne sait pas comment l'alchimie se crée. Cette année, c'est un collectif. Oui, surtout qu'ils sont trois, oui, ça va être... Ah, mais ils sont super sympas, hein. Il y en aura un, ce sera mieux justement avec toutes des équipes. Il y en aura, ouais. Chacun s'occupera d'une équipe à la fois et puis l'autre passera derrière. Non, c'est pas du tout ça. Ouais, mais là, ton collègue il a dit ah oui, non, mais moi je veux pas, ça va être encore plus compliqué. Non, mais ça va être passionnant. De toute façon, c'est passionnant. Je veux dire, l'année dernière, t'en as encore un bon souvenir de l'année dernière. T'étais content de ton film final? Oui, ben en fait, on était parti sur quelque chose de vraiment pas compliqué. Donc nous, on a dormi, contrairement à certaines personnes, mais. Moi, ce qui m'a plu, c'était pas mon film, notre film, c'était la globalité des 13 séquences. Ouais. Parce qu'en soi, le film tout seul, bien sûr, c'est une œuvre en soi, mais c'est la totalité qui fait que c'est intéressant. Et, Ouais, non, j'allais dire, c'est vrai que c'est ça qui fonctionne. C'est-à-dire que Nana, t'étais content de l'enchaînement, parce que des fois ça marche, des fois ça marche moins bien, toutes les équipes jouent le jeu, ou des fois ça peut arriver aussi. Voilà, là tout le monde avait joué le jeu, parce que c'est comme un cadre exquis. Donc il faut quand même que ça, vous rendez bien compte, voilà, il faut que toutes les séquences, quelque part, fonctionnent les unes après les autres. Et des fois, c'est vrai que ça marche super bien. Et l'année dernière, ça marchait super bien. Celui de Florence Millet, ça marchait très très bien aussi. Il y en a qui marchaient bien. Et il y en a, il suffit qu'il y ait une équipe qui joue un peu moins le jeu, on va dire, et ça fait peut-être une petite baisse de rythme. Ça arrive après, c'est mais après, pour rassurer, en fait, les gens, Claude, en ayant vu tout le travail déjà préparatoire des équipes, ont bien imaginé déjà les enchaînements. D'accord, donc ça fonctionnait pour eux. Parce que vous avez vu que votre travail, ou peut-être ceux d'une équipe aussi que vous connaissez, mais là, effectivement, on a eu l'avantage de voir l'ensemble des. Et les Jean-Claude se sont déjà imaginé des enchaînements possibles. Je ne suis pas sûr qu'ils se donnent tant que ça à l'AMK. Je sais qu'ils se donnaient... Moi, j'ai vu beaucoup de travaux de l'AMK, enfin de recherche. Et j'ai été étonnée d'être sélectionnée parce qu'ils ont fait vraiment des superbes recherches. Ouais. Il y a des équipes qui n'ont pas été prises alors que... Ah oui, ouais, c'est le jeu, hein, mais... Non, mais si, ils ont montré leur recherche et c'est vraiment bien. D'accord. Tiens, t'as pas de webcam choses. Parce que j'ai quelques images là quand même. Non, j'ai pas de webcam. On n'a pas encore webcam. On aurait peut-être pu mettre ça en place pour une prochaine fois. Ah oui. C'est des petits travaux graphiques alors. Ah, il y a même du roux. Je suis en train de leur montrer hein, parce qu'il n'y a plus de son, il y a de l'image, mais il n'y a plus de son. Ah, c'est l'or qui fait ça, on dirait un peu un petit côté roux quand même. C'est parce qu'il y a les cheveux rouges. Alors il y a des choses différentes sur le. Il y a sur les cellules, il y a sur les monstres. Enfin, je ne vais pas tout dévoiler, mais. Donc, on a c'est pris des... Ah c'est mal fait, l'équipe de Louise n'est pas là, donc... En fait, on n'a pas... Là, c'est joli, en tout cas. On va montrer à Sylvie. Page, donc, mais voilà, bon, là, c'est... C'est super joli. Ah, ouais, on va la prendre en photo. Photos, par contre. Comme ça, vous le verrez, vous le verrez, on le mettra sur The Web Animé. Mais c'est beau. On pourra t'envoyer après, si tu veux, des images de... Là, j'en ai fait un petit collage. Ça serait pas mal d'avoir un peu en amont, des choses qui sont... On pourra t'en envoyer, alors. Voilà. Recherche formelle. On peut montrer Nicolas parce qu'il est intéressé, il aime bien voir Nicolas. Les choses. Parce que Nicolas, petit. Parce que Nicolas, en fait, sur Internet, il regarde en même temps, donc là, il regarde Après, tu regarderas Indians, le film de Louis, je te dirais. Donc, c'est ce qu'on devrait voir au Carrefour, d'animation chaînée. Ça sera quand ça sera terminé, oui. Voilà. Ça, c'est les recherches graphiques. Et en effet, on verra l'animation, on verra l'animation chaînée, notamment au Carrefour de l'animation. Avant de passer, évidemment, comme toujours, on est en retard, mais avant de passer à l'agenda, on va parler rapidement, et après on parlera vraiment de l'agenda, de ce qui passe aussi sur plusieurs... Oui, alors il y a d'autres choses aussi. Il y a la compile des profs. Alors la compile des profs, c'est donc en fait 5h40 fait en trois, monté en trois programmes, donc où on verra là 67 œuvres. Et puis, il y aura donc un vote du public. On pourra voter sur son film préféré. Alors, juste pour la compil des profs, c'est la deuxième fois où je vais être pas méchant, mais en tout cas, voilà, où je vais dire une petite chose. Donc, il y a plusieurs personnes qui prennent. Il y a deux personnes des Gobelins, Emile Cole, l'École d'architecture de Marseille, les SAT, l'EMK, l'ESMA, Supinfocom, ENSAD A2I, LISA, Méliès Sainte-Geneviève. Donc, toutes les écoles sont bien représentées. J'ai pris ça sur le site. Oui, donc normalement. C'est véridique, je vérifie. Ah, voilà, normalement, il y a tout ça. J'ai été cette année Vous avez fini de discuter toutes les deux, là, dans Sylvie qui regarde les photos avec Florentine. Et j'avoue que j'ai été assez déçu, moi qui ai fait le jury de la presse, par la sélection de cette année. Alors, vous savez, je ne dis pas souvent des choses comme ça, mais j'étais assez déçu. Il y a quelques films qui sortent. On a Griezmine, voilà, qui est tout le temps là. On a c'est son coup de cœur à lui, alors moi je... Non, j'en ai une quinzaine. On a un film qui s'appelle Physique, qui est pas complètement aussi, mais qui est très étonnant. Je vous dirais, oui, de toute façon, vous savez, je le mettrai sur mes coups de cœur, je les mets sur The Webinar. Je vous dirais pas René's World, Physique, de l'École supérieure d'art et médias de Caen, avec des êtres humains qui sortent, des membres qui sortent de la bouche d'êtres humains. Malheureusement, c'est plus comme un exercice et c'est pas. Mais c'est ils l'ont pas. Mais c'est super intéressant, voilà, ça c'est passionnant. Il y a. On mixe les catégories art. Ah, c'est très intéressant. Mater Fisher de la Royal College of Art. M'échapper de son regard, Sophie Talande, Cherno Kids, que j'aime bien, The Boy Who Wanted to Be a Lion, qu'on a vu, ouais. Micro Dortoir, trois petits points quand même. Je vais à Disneyland, qui me semblait. Antoine, je suis désolé, je pensais ne pas l'avoir vu. Et je pensais l'avoir vu et je ne suis pas sûr de la. En fait, je ne m'en rappelle pas l'avoir vu. Ouais, mais je pense que j'avais. Ouais, mais je pense que j'ai dû m'endormir à ce moment-là à Annecy. Ou en tout cas, je n'ai pas vu le même film, mais voilà, et c'est super intéressant en fait. Voilà. Telegraphix, qui est intéressant. Et voilà. Et j'étais. J'avoue, je ne vous dirai pas qui a le prix du jury, bien évidemment. Non, on ne peut pas dire mais le best-of. J'ai été, non, mais j'avoue que connaissant d'autres films, alors je ne vais pas dire, parce qu'il y a Louise qui est là ou Florentine qui est là, il était envoyé roue à Imagicien ou pas ? Oui, je pense. Voilà, je suis juste, il y a des films, oui. ça me paraît alors, très étrange. Je vais vous expliquer un peu en fait, le problème du nombre. Alors, on était quand même assez nombreux, donc une petite quinzaine, parce qu'il y avait aussi en fait, le jury art qui faisait partie, donc... Ce qui donne, comme on est parti de 28h25, il a fallu garder que 5h, on a gardé 5h40. Mmh. Et que comme on est nombreux, c'est que dans les phénomènes de jury, il y a une espèce de lissage ou un espèce de ventre mou, où les coups de cœur individuels sont un peu noyés. Parce qu'il fallait, au départ, on avait dit au-dessus de 3 mois, on dit oui, après on dit non, mais après il faut arriver au délai. Oui, Martine Donden, d'Under Exquise. Nous sort les durées, oui. Et puis il faut à ce moment-là et là après on dit il faut avoir 5 voix minimum pour pouvoir passer et ça donne quelque chose de voilà. Alors moi il y a effectivement des coups de cœur des films que j'aimais beaucoup qui sont mais pas voilà, je suis déçu parce que les autres années voilà, moi c'est quelque chose auquel je tiens énormément et je trouve que ça a toujours été bien fait et je trouve que c'est la première année où moi je suis vraiment déçu par rapport aux autres films que je sais où je trouve que c'est normatif cette année, c'est-à-dire que où j'ai l'impression qu'on a juste tout est il y a pas le film un peu si il y a Physique donc là il y a pas le film un petit peu ils sont tous très bien faits mais il y a pas celui qui est un petit peu à la frontière qui est un petit peu on se pose des questions on se demande on a deux films qui font donc un quart d'heure où il y a donc c'est deux films de fiction on va dire pas de fiction de parce que de fiction mais de prise de vue réelle uniquement pourquoi pas mais on n'a pas des films où on est un peu choqué où on se dit ah ben tiens on va il y a Cherno Kids oui bon mais il n'y a pas des films qui sont forts Ah, je pense qu'il y en avait quand même. Alors peut-être que là, quand c'est pareil, t'en as vu donc 5h40 lorsque tu es venu à la SCAM donc, pour ces visionnages. Puis ça dépend dans quelle ordre ils ont été montés. Mais je pense que quand tu vas les voir après, peut-être plus d'une nouvelle fois, tu verras des choses extrêmement différentes. Parce qu'on a des nouvelles écoles comme Momeu, qui est une école de Budapest. Qui était là l'année dernière Oui. Mais, qui avait fait All That Cats, incroyable. Qui était sélectionné, voilà, qui était même déjà aussi, dans le jury. Mais, de... bon, oui. Mais alors, il y a d'autres, il y a des écoles nouvelles. Oui, enfin, il y a des écoles comme quand on recevait pas les films de long de National Film et Television School. Ouais. Il y a d'autres. Oui, qui est même sélectionné. J'ai vu ça aux Oscars. Celui qui est dans la liste. Il y en a un qui est dans la liste qui fait de la pixie. Il y a aussi qui... une école de Luzerne, donc en Suisse. Donc. Il y a plus d'écoles, mais ça veut pas dire. Après, faut que les gens le voient, mais je trouve. Après, c'est évidemment complètement. On était un peu d'accord hein, dans le jury. Je trouve que. Non, ce qui est intéressant, attention, parce qu'en plus, ce qui est bien avec les magiciens, c'est que vous avez le best-of, c'est-à-dire qu'il y a 15 personnes qui choisissent, mais tous les films, de toute façon, sont montrés. Normalement dans la coursive toujours. Ah oui, sûrement, vous pourrez voir l'intégralité voilà. Des films, donc vous faire vous-même votre propre. Quelqu'un peut très bien voir tous les films, mais dire, finalement c'était le meilleur qui avait été retenu. On a 10 postes hein. De visionnage, donc on peut voir l'ensemble des œuvres. Et alors aussi l'intérêt peut-être aux Imagiciens, c'est que ces films se sont terminés fin juin, voire début juillet, et on est premier festival à voir ça, non, parce qu'on les redécouvrira à Annecy, bien sûr, mais ça sera plus tard. Pas l'un des, c'est le propre festival. Non, c'est ah bah de toute façon qui permet de voir un peu. Et donc, on en parle chaque année. Plein de choses à découvrir. Hein. Ah, moi, j'en parle chaque année à Bulle d'Oreille. De toute façon, c'est évidemment, c'est pour ça que tu es là aujourd'hui, je suis content. Et, alors que chaque année, j'en parle sans qu'il y ait personne. C'est évident que c'est le festival où on peut voir tous les premiers films, enfin, où on découvre. Le Carrefour sera un petit peu après, mais on va découvrir tous les films. Et en plus, là, d'école internationale, évidemment, alors que Carrefour va être français, même s'il y a la CalArts, on en reparlera. Mais c'est vraiment, oui, là où on peut découvrir les films en premier. Donc, c'est vraiment pour ça assez exceptionnel. Oui, je sais, je viens de dire une petite méchanceté juste avant. Donc là, j'en rajoute dans le côté, mais non. C'est pas grave, chacun. Alors, venez donc pour juger vous-même. Pour dire à quel point j'ai tort. Mais c'était juste une petite chose, encore une fois, et puis qui n'a rien à voir avec qui peut avoir aussi avec la compétition de l'année, enfin, avec les films de l'année, etc. Hein, c'est... Les auditeurs de Bulle de Rêve le savent, j'ai parlé beaucoup de comité de sélection et de jury, comme j'ai fait Annecy l'année dernière, j'en avais parlé, on invite souvent des gens, donc ils savent bien à quel point c'est... Il y a aussi des fois une alchimie, des choses comme ça qui sont compliquées. Oui, il y a des tendances. On a eu aussi des choses assez sombres quand même cette année, parce qu'on est en second degré, en se disant entre nous, on pouvait même faire un programme rien que sur les suicides. C'est pas drôle, mais... Mais il y a souvent des thèmes comme ça. C'est ça, faire rire Florentine, au moins. Les suicides. Il y avait des... des choses drôles. C'est notre préoccupation. Non, mais il y a des espèces de choses assez lourdes. Il y a aussi quand même des prises de position sur des thèmes ou des défenses de quelque chose. Et puis après, il y a des choses plus gratuites. Ça, c'est vrai. Voilà. Allez, on a absolument 2 minutes sur avoir le temps de parler du Carrefour et un petit peu de Louise. Alors, il y a des confs. Voilà, on va juste parler rapidement, moi, de mon coup de cœur, la raison pour laquelle il faut absolument se déplacer de toute façon aux Imagiciens, c'est bien de voir tous ces films ou quoi, c'est 2 séances qui sont l'Asian Corner, le mercredi à 18h et le jeudi à 18h, où on voit plein de films, et vous savez à quel point j'aime le Japon, plein de films notamment japonais, même japonais, et c'est toujours un bonheur parce qu'il y a une liberté de ton. Justement, c'est ce qui m'a manqué, je pense, dans le best-of. Et là, il y a une liberté de ton qui est absolument incroyable. Et c'est un pur bonheur, ces 2 séances, sur des choses qu'on ne voit pas forcément, d'ailleurs, en festival et qu'on ne voit pas à Annecy. Donc, c'est vraiment 2 séances à voir absolument. Alors, ça, c'est mon coup de cœur. Et le parallèle, c'est que ce sont des films de jeunes auteurs aussi. Hein, donc, voilà. Alors, ICAF, le premier programme, le mercredi soir, à 18h, c'est donc International College Animation Festival. Donc, une sélection qui est faite par le festival. Et on en voit... Ils voient de l'autre côté les films aussi qu'on a reçus aux Imagiciens. Donc, c'est sympa aussi pour tous les étudiants européens. Et puis, on a un autre programme, c'est la CJ Anima Cup. Là, ça sera le lendemain, le jeudi, où là, c'est une compétition de jeunes auteurs, pas forcément en école, mais de jeunes auteurs. Ça existe déjà depuis un certain nombre d'années. Alors, il y a des choses étranges aussi, que tu n'as sûrement pas vues. Et là, on a leur compétition de 2010. Il y a des choses. Alors, dans les 2 programmes, vous avez par contre, vous l'avez peut-être vu sur Internet, la petite jeune femme qui court, dans un style un peu statue de 4 degrés, qui était sur Katsuka, Fudanime, qui a beaucoup plu. C'est purement japonais, on voit ces petites clopes en tout le long, une espèce de ride comme ça, enfin une espèce de course-poursuite avec elle, et qui part sur les toits, des trucs comme ça, enfin qui a fait un carton sur beaucoup de sites internet, évidemment. Alors puis véritablement, en 3 secondes, Very New, c'est en fait un programme qui va venir d'école des beaux-arts algériennes. Oui, donc, ça c'est super bien. De cinéma, d'animation. Alors, Panorama des Jiffa le vendredi 3. Alors ça, j'ai genre la qualité, mais au moins ça va être un autre regard et ça enrichit notre panel. Et puis c'est vraiment bien qu'on puisse voir les films et qu'on puisse avoir un retour et qu'on puisse commencer à juger. On parle souvent de Meknès ici et des étudiants marocains. C'est bien qu'on puisse commencer à juger un petit peu et dire, et même si en effet la qualité est pas là, au moins la qualité est là bien évidemment, mais en tout cas le savoir-faire est moins fort pour l'instant, on va dire. Mais qui travaille une culture qui est tellement riche qu'il faut absolument qu'ils réussissent à travailler. Ils ont du mal, ils sont un petit peu pour l'instant bloqués sur des choses un peu américaines, on va dire Pixar, et faire un peu du dessin animé, alors qu'ils ont une culture qui est tellement riche et ils peuvent tellement. Donc je pense que si nous l'envoient un peu plus et si nous on peut leur envoyer aussi ce qu'on en pense, et ça va enrichir tout ça et ça peut être vraiment passionnant. Donc il y a ça, et il y a plein de confs, et notamment la conf Star, qui est la conf anime et effets spéciaux le vendredi après-midi. Une soirée canadienne aussi avec l'ONF, les 70 ans. Avec Hélène Tanguay qui a fait un très beau programme, qui pour une fois, on ne va pas avoir que Ryan et tous les films. J'ai parlé à Hélène. Et... blanche, oui, oui, j'ai parlé, on a parlé ensemble. Je voulais faire une petite info pour aujourd'hui, puis c'était trop de monde. Mais, et elle a elle vraiment fait bon, un très, très bon. Elle a fait un très, très beau programme, très, très intéressant. Donc voilà, on va faire une pause pour vos oreilles, pour un peu, et puis après, on va voir une demi-heure, et après, en effet, tout le monde va me. Vas-y, dire la plouf Florentine. Si, si, vous, je vous promets, vous allez entendre sa voix, elle va parler. Minutes. Oui, oui, promis, t'auras tes 10 minutes. Donc, on a eu B comme Brassens, on va voir B comme Bogarts. Et alors là, c'est en direct comme d'habitude. Donc, on va écouter Mathieu Bogarts et on va écouter. On va écouter. Le papier, c'est léger, la 6. Je te remercie, Nicolas.